الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لا لونجيتا ديو سينيور ديز اونيفير، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين، et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله الصادق الأمين، et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين، mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète, prière et sur lui. مع الدرس الخامس والعشرين avec le cours numéro 25. وفيه سنرى الأسلوب الرابع المستعمل من طرف مشركي مكة لمحاربة الإسلام. Dans ce cours, nous allons voir le moyen numéro 4 utilisé par les associateurs de la Mecque pour combattre l'Islam. هذا الأسلوب هو تعذيب المسلمين. Ce moyen était la persécution des musulmans. وخصوصا العبيد والموالي. الموالي هم الذين كانوا عبيدا ولكن اعتقوا انفسهم او اعتقهم احد وصاروا احرارا ولكن اصلهم عبيد. والموالي والفقراء والضعفاء. Et surtout la persécution va toucher les esclaves, les affranchis, ça veut dire les ex-esclaves, et les pauvres et les faibles. الَّذِينَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ حِمَايَةٌ فِي مَكَّةٍ, ces faibles et ces pauvres qui n'avaient aucune protection dans la Mecque. أَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكَانَ يَتَمَتَّعُ بِحِمَايَةِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ. Tandis que le prophète, prière et saint sur lui, il jouissait de la protection de son oncle Abu Talib. وأسلوب التعذيب يمنح المشركين نشوة النصر. Le moyen de la torture offrait aux associateurs la joie de la victoire. وطعم الانتقام, le goût de la vengeance. والارتياح النفسي أمام الهزائم الأخرى, et le soulagement devant les autres défaites. وتخويف الناس من الدخول في الإسلام, et effrayer les gens pour ne pas devenir musulmans. فهؤلاء المعذبون أمام الناس سيكونون مثالا للآخرين. Ces gens persécutés devant tout le monde seront un exemple qui empêche les autres à devenir musulmans. وهناك أمل كذلك وهو رد المسلمين إلى عبادة الأصنام تحت قوة العذاب. Il y avait aussi un espoir de faire revenir les musulmans vers l'adoration des idoles sous la force de la torture. وقد اخترت لكم بعض الأمثلة من الذين عذبوا وليس كل الأمثلة. Et je vous ai choisi quelques exemples de ceux qui ont été persécutés et non pas tous les exemples. أولا بلال ابن رباح الحبشي رضي الله عنه. Le premier exemple que je vous donne est celui de Bilal, fils de Rabah, l'Abyssin, que Dieu soit satisfait de lui. وكان من الأوائل الذين أسلموا, il fut parmi les premiers à devenir musulman. وهو أول إفريقي أسلم. Il s'agit du premier Africain, ou le premier qui a des origines africaines qui a embrassé l'islam. وكأنه لوحده يمثل إفريقيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et comme à lui seul, il représentait tout le continent africain auprès du prophète, prière et salut sur lui. وكان عبدا عند أمية ابن خلف. Il fut un esclave de Umayya, fils de Khalaf. فلما أسلم رضي الله عنه lorsqu'il est devenu musulman, prière et ça est sur lui, بدأ العذاب, la torture a démarré. يربطه سيده ويضربه بالعصا, son maître l'attachait et le frappait avec un bâton, ولا يعطيه الأكل, il ne lui donnait pas à manger. وبلال يقول أحد أحد, et Bilal devant cette souffrance il disait unique, unique, ça veut dire Dieu. وفي وقت الظهيرة يخرجه إلى ضواحي مكة, pendant le moment de midi il le fait sortir vers la banlieue mécoise, ويضعه على ظهره العريان, il le posait sur son dos qui était nu, فوق أرض ساخنة كالجمر, sur un sol brûlant comme des braises, ويأمر بوضع صخرة كبيرة على صدره, et il donnait les ordres pour que ses esclaves posent sur la poitrine de, et sur le ventre de Bilal une énorme pierre, ويتركه تحت الشمس, et il le laissait sous le soleil. لماذا كل هذا العذاب, pourquoi toute cette torture, ما هي جريمته, qu'il a été son crime. آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم, il a cru à Muhammad, prière et salut. ثم يقول له أمية, يعني سيده, et après son maître أمية lui dit, والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد, par Dieu tu resteras ainsi jusqu'à ta mort, ou bien tu changes ta religion, ou bien tu ne crois plus en Muhammad, prière et salut sur lui. وتعبد اللات والعزة, et par la suite tu dois adorer nos idoles, les deux, اللات et العزة. ويجيب بلال, et Bilal donnait une seule réponse, أحد أحد, unique, unique. وفي المساء, le soir, يضع حبلا في عنق بلال, il posait une corde autour du cou de Bilal, ثم يسلمه للصبيان والأطفال, et il le livrait aux jeunes, aux enfants, يطوفون به في مكة, il se promenait en sa compagnie dans la Mecque, ويجرون الحبل حتى يؤثر في عنقه, il tirait fort la corde jusqu'au point de lui faire du mal autour de son cou. وهو يقول رضي الله عنه يجرونه كالحيوان لأنه أحب الله, on le tirait comme un animal parce qu'il a aimé Dieu. وهو يقول, et lui il disait toujours أحد أحد, unique, unique. ويتكرر العذاب كل يوم, et le châtiment se renouvelait chaque jour, حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه واشتراه من أمية, jusqu'au jour où Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, est venu, il l'a acheté auprès de son maître أمية, وأعطاه حريته, et il lui a donné sa liberté. وبقي بلال بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم, Bilal resta auprès du prophète, prière et salut sur lui, لا يفارقه, il ne l'abandonnait jamais. وفي المدينة اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الذي كان يقول في صحراء مكة أحد أحد, à Médine le prophète, prière et salut sur lui, a choisi Bilal qui disait dans le désert mécois, unique, unique, ليقول تحت سماء المدينة, afin de dire cette fois-ci sous le ciel de Médine, في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, dans la mosquée du prophète, prière et salut sur lui, الله أكبر, الله أكبر, Dieu est très grand, Dieu est très grand, مرددا الأذان خمس مرات في اليوم, en répétant le أذان 5 fois par jour, c'est-à-dire l'appel à la prière. وفي غزوة بدر, pendant la bataille de Badr, c'était la première bataille entre les musulmans et les Quraychites, اختار المسلمون شعار بلال, les musulmans ont choisi l'emblème, le chant de Bilal, أحد أحد, unique, unique. وسمع أمية الكلمة التي كان يسمعها منذ عشرات السنين, et ce jour-ci, pendant cette grande bataille, Umayya a entendu cette phrase qu'il entendait depuis une dizaine d'années dans la Mecque, يونيك أحد تخرج من مئات الأفواه. Cette phrase unique qui sortait de centaines de bouches, قبل أن يقتله بلال وأصحابه, avant qu'il soit tué par Bilal et ses amis. ويوم فتح مكة, le jour de la conquête de la Mecque, يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الكعبة. Le prophète, prière et sagesse, lui a ordonné de monter au-dessus de la Kaaba. أمام القرشيين, devant les Quraishites, وينادي تحت سماء مكة, et d'appeler sous le ciel de la Mecque, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est très grand, Dieu est très grand. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات, le prophète prière et sagesse lui dit une fois, يا بلال, ô بلال, إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. Ô Bilal, j'ai entendu le bruit de tes chaussures entre mes mains dans le paradis. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Falamma mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète, prière et sagesse sur lui, lam yastati' Bilal an yabqa fil Madinah ba'da mawt habibih Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bilal ne supportait plus rester dans Médine après la mort de son bien-aimé Muhammad, prière et sagesse sur lui. Wa talaba min amir al mu'minin Abi Bakr radiyallahu anhu an ya'dana lahu bil rahil ila al-Sham. Il a demandé l'autorisation à l'émir des croyants ce jour-ci, Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, pour aller, pour voyager vers la Sichem, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, etc. Faqala lahu Abu Bakr. Abu Bakr lui dit: "Faman yu'addin lana ya Bilal?" Et qui va nous faire, qui va nous lever l'adhan, l'appel à la prière, ô Bilal? Faqala Bilal, et Bilal répondit: "In kunta innama ishtaraytani li nafsika famsikni." Si tu ne m'as acheté que pour toi, que pour être à ton service, garde-moi. "Wa in kunta innama ishtaraytani lillah fad'ni." Mais si tu m'as acheté pour Dieu, laisse-moi partir. فتركه الخليفة أبو بكر يرحل, et Abu Bakr, le calife, l'a laissé partir. ولما جاء الخليفة عمر رضي الله عنه إلى الشام, lorsque l'émir Omar, qui est venu après Abu Bakr, est venu vers la Sichem pour rendre visite à la Sichem, طلب من بلال أن يؤذن له مرة أخرى. Il a demandé à Bilal pendant une prière de faire l'appel comme il le faisait à l'époque du prophète, prière et sagesse sur lui. وبدأ بلال الأذان, et Bilal a commencé l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est très grand, Dieu est très grand. فبكى بلال وبكى جميع الصحابة لأنهم تذكروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. Et Bilal a pleuré ainsi que tous les compagnons parce qu'ils se sont rappelés de la période du prophète, prière et sagesse sur lui. وهكذا رفع الإسلام بلالا من ذل العبودية إلى سماء العظماء. Ainsi l'islam a élevé Bilal du rang et de l'humiliation de l'esclavage vers le ciel des géants. فصار وسيبقى معروفا ومحبوبا عند الملايين من المسلمين في كل القارات. Et il est devenu et il restera connu et bien-aimé chez des millions de musulmans dans tous les continents du monde. ولولا الإسلام لبقي عبدا لا يعرفه أحد. Et sans l'islam, il resterait un esclave inconnu par tout le monde. كان عمر رضي الله عنه يقول, Omar, que Dieu soit satisfait de lui, disait à son propos, Abu Bakr سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. Abu Bakr est notre maître et il a affranchi notre maître, ça veut dire Bilal. رواه البخاري, rapporté par البخاري. وفعلا فأبو بكر رضي الله عنه كان محرر العبيد المعذبين في مكة. Et c'est vrai, Abu Bakr fut le libérateur des esclaves persécutés dans la Mecque. يشتريهم ويهبهم الحياة. Il les achetait auprès de leur maître et leur donnait, leur offrait la liberté. فعل ذلك سبع مرات. Il a fait ceci sept fois. ومن بين الذين حرر أمة رومية اسمها زنيرة. Parmi les gens affranchis par Abu Bakr, il y avait une servante appelée servante byzantine appelée Zinira. Aslamat fa'adabouha. Lorsqu'elle est devenue musulmane, on l'a persécutée. Fashtaraha Abu Bakr wa a'taqaha. Et Abu Bakr l'a achetée et l'a libérée. Wa usibat fi basariha min kuthri al'adab fa'amiyat. Et devant l'énorme persécution, elle a été touchée dans sa vue et elle a perdu la vue. Elle est devenue aveugle. فقال المشركون, les associateurs dirent, أصابتها اللات والعزة. Ce sont nos deux idoles, اللات et العزة, qui l'ont touchée. فقالت, et elle a répondu, لا والله ما أصابتني. Non. Par Dieu, les deux, c'est-à-dire idoles, ne m'ont pas touché. وَهَذَا مِنَ اللَّهِ. Ce qui m'arrive n'est que de la part de Dieu. وَإِنْ شَاءَ كَشَفَهُ. Et s'il le veut, il le dissipe. وَفِي الْغَدْ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهَا بَصَرَهَا. Et le lendemain, Dieu lui a rendu la vue. فَقَالَتْ قُرَيْشِ. Et Quraysh a dit, هَذَا بَعْضُ سِحْرِ مُحَمَّدِ. Il s'agit là d'une petite partie de la sorcellerie de Muhammad. ومن بين الذين حرر أبو بكر كذلك جارية. Et parmi les gens affranchis par Abu Bakr, il y avait une autre servante. كان عمر بن الخطاب يعذبها. Et c'était là Omar fils de Khattab qui l'a persécuté. يوم كان مشركا. À l'époque où il était encore associateur. فكان يضربها حتى يفطر. Il l'a frappé jusqu'au point de devenir fatigué. ثم يدعها. Et après il l'a laissé ويقول. Et il lui disait, إني أعتذر إليك. Je m'excuse auprès de toi. والله ما تركتك إلا سآمة. Par Dieu, je ne t'ai laissé que par ennui. فتجيبه. Et la servante lui donnait la réponse suivante, كذلك يفعل بك ربك. Ainsi ton Seigneur te fera. فلما اعتق ابو بكر هؤلاء العبيد والاماء. Lorsque Abu Bakr a affranchi ses esclaves et ses servantes, قال له ابو قحافه وكان لا زال كافرا. Son père, le père d'Abu Bakr, Abu Quhafa, lui dit, et il était à l'époque encore mécréant, اراك تعتق رقابا ضعافا. Je te vois affranchir des têtes, c'est-à-dire des personnes faibles. فلو اعتقت رجالا جلدا لمنعوك. Si tu as libéré des gens forts, ils te protégeront. قال يا ابي اني اريد وجه الله. Il lui dit, ô mon père, je ne cherche par là que la face de Dieu, que satisfaire la face de Dieu. Ça veut dire, je ne cherche pas la protection des hommes. فأنزل الله آيات تمدحه وتصدق إخلاصه. Et Dieu a révélé des versets lui faisant des éloges et confirmant sa sincérité. وسيجنبها الأتقى. سيجنب جهنم. سيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ما له يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. On le fera éviter au plus pieux, c'est-à-dire on fera éviter l'enfer au plus pieux, c'est-à-dire Abu Bakr, qui donne son argent en aumône purificatrice et il n'est redevable d'aucun service envers personne à part le fait de vouloir satisfaire la face de son Seigneur, le sublime, et certes, il sera bientôt satisfait. Amour ila al-mithal al-thani. Je passe au deuxième exemple. A'ilat Yasir, la famille de Yasser. وهم ياسر. Il s'agit de Yasser. وأصله من اليمن. Qui avait des origines de Yémen. وزوجته سمية. Sa femme سمية. وابنهم عمار. Et leur fils عمار. وهم موالي. يعني عبيد. أعتقهم أسيادهم. Ils étaient des affranchis, ça veut dire des esclaves libérés par leur maître. Les trois sont devenus musulmans depuis l'aube de l'islam. Faradiba Mawalihim Benou Makhzoum, leurs ex-maîtres, sont emportés par la colère devant leur islam. Fasabbu alayhim alwan al-adab, ils ont versé sur eux des couleurs de torture. Kanu yukhrijunahum inda hararat al-dahira wa yu'adibunahum fi sahra'i Mekka. Il les faisait sortir de la Mecque vers midi, vers la grande chaleur de midi. Et la torture se renouvelait chaque jour. Une fois le prophète prière et salut sur lui, est sorti vers eux pour les voir. Et il les a regardés avec beaucoup d'affection. Mais il ne pouvait rien faire, il n'avait pas la force pour les défendre. وَلَا يَسْتَطِعْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا لَهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قُدْرَةٌ لِيَحْمِيَهُمْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِحَنَانٍ. Il les a regardés avec affection, وَقَالَ لَهُمْ, et leur dit, صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ, patience aux familles de Yasser, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةِ, parce que votre rendez-vous sera au paradis. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, et le pharaon de cette nation est venu, Abu Jahl, qui est Abu Jahl, jaa ila Soumaya radiyallahu anha, il est venu vers Soumaya, que Dieu soit satisfait d'elle, wa hiya imra'atun ajouz da'ifa. Soumaya, qui était une femme, une vieille dame très faible, faqala laha, il lui dit, ma amanti bi Muhammad illa li annaki ashiqtihi li jamalihi. Tu n'as cru en Muhammad que parce que tu es tombée amoureuse de lui pour sa beauté. Elle lui a répondu avec grossièreté. Et il l'a frappé avec sa lance dans sa partie intime. Et elle décéda, que Dieu soit satisfait d'elle. Elle fut la première martyre en islam. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. أول من أسلم امرأة وهي خديجة رضوان الله عليها. La première personne à embrasser l'islam fut une femme qui est خديجة, que Dieu soit satisfait d'elle. وأول من سقط شهيدا امرأة وهي سمية رضي الله عنها. Et la première personne qui est tombée comme martyr en islam fut une femme. Et c'était Soumaya, que Dieu soit satisfait d'elle. وَهَذَا يَدُلْ عَلَى دَوْرْ وَدَرَجَتْ الْمَرْأَ فِي الْإِسْلَامِ. Et ceci montre le rôle et le rang et le degré de la femme en islam. ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا يَاسِرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحْتَ الْعَذَابِ. Et par la suite, quelques jours après, son mari Yasser est tombé mort sous la torture. وبعد ذلك شددوا العذاب على عمار على الابن عمار رضوان الله عليه. Et par la suite ils ont concentré tout leur effort dans la torture sur Ammar le fils, que Dieu soit satisfait de lui. مرة يكونه بالنار, parfois ils le brûlaient par le feu. ومرة بوضع الصخر على صدره في صحراء مكة. Et tantôt en posant une grande pierre sur sa poitrine et sur son ventre dans le désert brûlant de la Mecque. وَمَرَّ بِغَطِّهِ بِغَطِّ رَأْسِهِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَخْتَنِقْ. Et tantôt en plongeant sa tête dans l'eau jusqu'au point qu'il allait s'étouffer. حَتَّى يَفْقِدْ وَعْيَهِ. Et il lui arrivait devant la torture de perdre carrément conscience. وَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ. Et il ne savait plus qu'est-ce qu'il disait. وَقَالُوا لَهُ. On lui dit, لَا نَطْرُكُكَ وَاللَّهُ. On ne t'abandonne pas par Dieu le Très-Haut. حَتَّى تَسُبَّ مُحَمَّدًا. Que lorsque tu insultes Mohammed. أَوْ تَقُولُ فِي اللَّاتِ وَالْعُزَّى خَيْرًا. Ou lorsque tu dis du bien de nos divinités اللات et العُزَّى. فَفَعَلَ مَا طَلَبُوا مُكْرَهًا. Et il a fait ce qu'ils ont demandé, mais sous la contrainte et la torture. وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سبه. Et il est venu avec des pleurs, en pleurant pour s'excuser auprès du prophète, prière et salut sur lui, après l'avoir insulté. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, prière et salut sur lui, lui dit: كيف تجد قلبك يا عمار؟ Comment trouves-tu ton cœur, ô Ammar? قال مطمئنا بالإيمان. Il a dit plein de foi, rassuré par la foi. قال له النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, prière et salut sur lui, lui dit: فإن عادوا فعود. S'il recommence, recommence. C'est-à-dire, s'il recommence la torture, recommence à m'insulter. يعني إن عادوا للعذاب يعذبوك فعود وسبني. وأنزل الله آيات تصدق إيمان عمار رضي الله عنه. Et Dieu a révélé des versets qui confirmaient la foi de Ammar. إلا قال الله, Dieu dit dans un verset, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Sauf celui qui y a été contraint, tandis que son cœur est plein de la sérénité de la foi. وهنا تظهر سعة الإسلام. Et là apparaît la largesse de l'islam. فدائرة الإسلام تشمل الصابر أمام الابتلاء. Le cercle de l'islam englobe celui qui supporte avec patience les épreuves. الذي يأخذ بالعزيمة, celui qui choisit la détermination, كبلال وسمية وياسر, comme بلال, سمية ou ياسر, que Dieu soit satisfait de رضوان الله عليهم. ودائرة الإسلام تشمل كذلك الذي يضعف أمام الابتلاء. Mais le cercle de l'islam englobe de la même manière celui qui devient faible devant l'épreuve, ويختار الرخصة, celui qui choisit l'autorisation ou la permission, كعمار رضوان الله عليه, comme Ammar, que Dieu soit satisfait de lui. وهنا تتجلى رحمة الله تعالى وتبارك بالمؤمنين. Et là se manifeste la grande miséricorde de Dieu le Très-Haut vis-à-vis de ses serviteurs croyants. وبعد ذلك لم يفارق النبي, يعني لم يفارق عمار النبي صلى الله عليه وسلم. Par la suite, Ammar n'a jamais abandonné le prophète, prière et salut sur lui. Il est resté auprès de lui. ولقد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète, prière et salut sur lui, a dit à son propos, c'est-à-dire de Ammar, إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه, يعني إلى العظم. Ammar est rempli de foi jusqu'à l'os. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم, rapporté par النسائي ابن ماجه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة, une fois le prophète, prière et salut sur lui, a dit à son propos, اشتاقت الجنة إلى علي. Le paradis a hâte de voir, de rencontrer Ali, وعمار, et عمار, وسلمان وبلال, سلمان et بلال. Le paradis a hâte de voir, s'impatiente de voir et de rencontrer Ali, عمار, سلمان et بلال. رواه الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر, rapporté par l'imam al-Hakim et par d'autres. المثال الثالث, مصعب ابن عمير رضي الله عنه. Le troisième exemple est celui de Mus'ab, fils de Umayr, que Dieu soit satisfait de lui. وكان شابا محبوبا جدا من والديه الغنيين. Et il fut un jeune très bien aimé par ses parents riches. ومذللا, il fut aussi gâté. كان يلبس أفخر الثياب. Il portait les meilleurs habits. ويحمل أحسن عطر بمكة. Il portait les meilleurs parfums dans la Mecque. فكان غارقا في النعيم. Il fut noyé dans le luxe. ثم أسلم. Par la suite, il est devenu musulman. وكتم إسلامه خوفا من أمه. Et il a caché son islam par crainte de sa maman. وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم سرا في دار الأرقم. Il rendait visite au prophète, prière et salut sur lui, discrètement ou bien secrètement dans la maison de Al-Arqam, dans la Mecque. وأخبرت أمه بإسلامه. Et on a informé sa maman de son islam. فحبسته. Il l'a emprisonné. Elle l'a emprisonné. ومنعت عنه النعيم. Elle lui a interdit tout le luxe. Elle l'a empêché de tout le luxe. فبقي محبوسا حتى هاجر إلى الحبشة. Et il restait emprisonné jusqu'à son immigration vers l'Abyssinie. ورجع بعد ذلك وقد أصبح جد فقير. Après son retour de là-bas, il est revenu très très pauvre. لا يجد ما يأكل. Il ne trouvait pas quoi manger. ويلبس البالي من الثياب المرقع. Il portait des habits usés et rapiécés. حتى تطاير جلده مثل تطاير جلد الحية. Jusqu'au point que sa peau se détachait comme celle d'un serpent. ترك مصعب رضوان الله عليه حياة النعيم. مصعب, que Dieu soit satisfait de lui, a abandonné à jamais la vie de luxe. وأنسته حلاوة الإسلام مرارة الفقر. Et la douceur de l'islam lui a fait oublier l'amertume de la pauvreté. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوه يحنون عليه ويرحمونه لأنهم يعرفون النعيم الكبير الذي كان فيه. Et lorsque les compagnons du prophète, que Dieu soit satisfait d'eux, le voyaient, ils avaient pitié pour lui parce qu'ils savaient, ils connaissaient le grand luxe par lequel il est passé. واختاره النبي صلى الله عليه وسلم, اختار مصعب ليكون سفيرا له في المدينة, أول سفير للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. Le prophète prière et s'ajoute, comme l'autre fois a choisi Bilal, cette fois-ci il a choisi Mus'ab pour qu'il soit son premier ambassadeur vers Médine. فأسلم معظم الأنصار أمام يديه. Et la majorité des Ansars, les habitants de Médine, sont devenus musulmans devant ses mains, grâce à lui, grâce à son appel. وَكَانَ ذَلِكَ نَصْرًا كَبِيرًا. Et ce fut une grande victoire. وَبَدَأَ الْمُسْلِمُونَ يُهَاجِرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ. Et les musulmans ont commencé leur immigration vers Médine, هُرُوبًا مِنْ عَذَابِ الْمُشْرِكِينَ, pour fuir la grande torture des associateurs. وَظَلَّ مُصْعَبْ فَقِيرًا. Et Mus'ab est toujours resté très pauvre. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدخل مسجده بالمدينة في لباس مرقع. Une fois le prophète prière et sur lui le vit en train d'entrer dans sa mosquée à Médine portant des habits rapiécés. فلما رآه عليه الصلاة والسلام تذكر النعيم الذي كان فيه في شبابه. Lorsqu'il le vit, il se rappela automatiquement du grand luxe dans lequel il vivait lors de sa jeunesse dans la Mecque. Fabaka sallallahu alayhi wa sallam, et il a pleuré, prière et saïd sur lui. Rawahu al-Tirmidhi, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Wa sharaka Mus'ab fi ghazwati Badr, hamilan liwa al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé, ça veut dire Mus'ab, dans la première bataille de Badr, en portant le drapeau du prophète, prière et saïd sur lui. Wa sharaka fi ghazwati Uhud, il a participé de la même manière dans la bataille, la grande bataille de Uhud, hamilan liwa al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en portant le drapeau du prophète, prière et saïd sur lui. Fadoribat yaduhu al-yumna wa saqatat, on a frappé sa main droite qui tomba tout de suite. فحمل اللواء بيده اليسرى, لم يريد أن يسقط لواء النبي صلى الله عليه وسلم. Et rapidement il a saisi le drapeau du prophète prière et saint-Jouy avec sa main gauche. Il ne voulait pas laisser le drapeau du prophète tomber, toucher le sol. فضربت يده اليسرى وسقطت, on a frappé sa main gauche qui tomba tout de suite. فضم اللواء بجناحيه, et il a saisi le drapeau avec ses deux ailes. ثم ضرب فسقط شهيدا, et par la suite on l'a frappé et il tomba comme martyr. وهو يقرأ القرآن, en récitant le Coran. وبعد نهاية المعركة, après la fin de la bataille, وقف النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه, le prophète prière et saïd sur lui se mit à côté de lui. وقرأ الآية التي نزلت تصدق إيمانه, et a lu le verset qui est descendu pour confirmer sa foi, wa iman shuhada Uhud, et la foi des martyrs de Uhud. Qala Allah Ta'ala, Dieu dit dans ce verset, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahada Allah 'alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Parmi les croyants se trouvent des hommes qui ont tenu loyalement leurs engagements vis-à-vis de Dieu. Il en est parmi eux qui ont atteint leur fin inéluctable et d'autres qui attendent encore. Ils n'ont apporté aucun changement, ça veut dire, à leurs engagements premiers. Wa amr ila al-mithal ar-rabi', je passe vers le quatrième exemple. Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu. Uthman, fils de Mad'un, que Dieu soit satisfait de lui. Lama aslama kana yu'adibuhu Umayya ibn Khalaf, alladhi kana yu'adib Bilal. Après son islam, il a été persécuté par Umayya, fils de Khalaf, la même personne qui persécutait Bilal. Thumma hajara ila al-Habasha. Par la suite, il est parti vers la Bissinie. Wa ba'da 'awdatihi, après son retour, dakhala fi jiwar al-Walid ibn al-Mughira. Il a demandé la protection de Walid, fils de Mughira, al-Walid qui était le plus grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. العدو الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم فصار آمنا. Il est devenu en toute, il a eu toute la sécurité grâce à cette protection. ثم رأى ما يصيب الصحابة من عذاب. Et après, en se promenant en pleine sécurité dans la Mecque, il a vu le malheur et la torture qui s'abattait sur les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. رأى ما يصيب الصحابة من عذاب. فقال, et il a dit seul à lui-même, والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل مشرك. Par Dieu le Très-Haut, mes allées et mes retours ont toute sécurité grâce à la protection donnée par un homme associateur. وأصحابي يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني. Et mes amis, que Dieu soit satisfait d'eux, subissent les épreuves et la nuisance pour Dieu, ces malheurs et ces nuisances qui ne me touchent pas moi. La naqsun kabirun fi nafsi. Kul hada naqs kabir fi nafsi. Il s'agit d'une grande carence de foi dans mon intérieur. Faraja'a ila al-Walid ibn al-Mughira. Il est revenu vers al-Walid, fils de al-Mughira, wa qala lahu, pour lui dire, inni aruddu ilayka jiwarak. Je sors de ta protection. Je ne suis plus protégé par tes soins. قال الوليد لما يا ابن أخي. الوليد lui dit, et pourquoi mon neveu? فلعلك أوديت. Peut-être on t'a fait du mal. قال لا. Il a dit non. ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. Non, mais plutôt j'accepte la protection de Dieu et je refuse les protections des autres en dehors de Dieu. قال الوليد, الوليد lui dit, رد علي جواري علانية بالكعبة كما أجرتك علانية. Donc tu dois sortir de ma protection publiquement à côté de la Kaaba comme je t'ai protégé publiquement à côté de la Kaaba. ففعل ذلك. Et il a fait ce que الوليد a demandé. ثم جلس عثمان رضي الله عنه في مجلس قريش. في مجلس من مجالس قريش. Par la suite, عثمان a pris place dans une assemblée قريشيت. وهي تستمع لشاعر كبير. Les قريشيت étaient en train d'écouter un grand poète, لبيد ابن ربيعة. لبيد fils de ربيعة. فقال لبيد, ce grand poète لبيد dit, ألا كل شيء ما خلى الله باطل. C'est vrai que toute chose en dehors de Dieu est fausse. قال عثمان صدقت. عثمان lui dit, tu as raison. وأكمل لبيد. لبيد a continué. وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وكل نعيم لا محالة زائل. Il a dit, tout délice sans doute disparaîtra. فقال عثمان كذبت. نعيم الجنة لا يزول. Et عثمان lui dit, tu as menti là. Le délice du paradis ne disparaît jamais. قال لبيد, le grand poète لبيد dit, يا معشر قريش, au groupe de قريشيت, والله ما كان يؤذى جليسكم. Jamais j'ai vu un de vos hôtes recevoir un mal de la part de quelqu'un. فمتى حدث هذا فيكم. Depuis quand on faisait des choses comme ça chez vous. Ça veut dire ont fait du mal à vos hôtes. قال رجل, un homme parmi les présents dit, إن هذا سفيه فارق ديننا واتبع دين محمد. Il s'agit là d'un pervers qui a quitté notre religion et qui a suivi celle de Muhammad. فرد عليه عثمان, et عثمان lui a répondu. فقام الرجل ولطم عثمان في عينه فاخضرت لوقتها. Et l'homme se leva et donna un coup à عثمان sur son œil qui est devenu tout de suite vert. فقال له الوليد, الوليد qui était à côté de lui lui dit, أما والله يا ابن أخي إن عينك لغنية عما أصابها. Ô mon neveu, ton œil n'avait pas besoin à ce qu'il a subi. ولقد كنت في ذمة منيعة, et tu jouissais d'une haute sécurité grâce à moi. فقال عثمان, عثمان lui dit, والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله. Par Dieu, il lui a dit, par Dieu, mon œil qui est encore sain a besoin de subir en Dieu ce qu'a subi son frère, c'est-à-dire l'autre œil. والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار, يعني جوار الله تعالى وتبارك, وإني لفي حماية الله وإني لفي جوار, لفي جوار من هو أعز منك وأقدر. Et je suis maintenant protégé par celui qui est plus puissant et plus fort que toi, ça veut dire Dieu. وعرض عليه الوليد الجوار مرة أخرى فرفض. Et une autre fois الوليد lui a proposé sa protection, mais عثمان a refusé. وكان يصوم النهار ويقوم الليل. عثمان, fils de مبعون, jeûnait le jour et priait toute la nuit. ومات رضي الله عنه في المدينة. Il est décédé à Médine, que Dieu soit satisfait de lui. وقبل أن يدفن قبله النبي صلى الله عليه وسلم. Avant qu'on l'enterre, le prophète prière et sa joie l'a embrassé sur le front. ودموع النبي عليه الصلاة والسلام تسيل على وتسقط على خد عثمان ابن مضعون. Et les larmes du prophète prière et sa joie coulaient et tombaient sur la joue de Uthman, fils de Mab'oun, que Dieu soit satisfait de lui, radiyallahu anhu, rawah al-Tirmidhi, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Thumma ra'at imra'atun min al-ansar fi al-manam anna lahu aynan tajri. Et dans un songe, une femme parmi les femmes des Ansar a vu comme quoi Uthman ibn Affan, Uthman, fils de Mab'oun, possédait une source qui coulait. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. Elle est venue voir le lendemain le prophète prière et sur lui. Elle lui a raconté son songe. فقال ذلك عمله. Et le prophète prière et sur lui a répliqué c'est son œuvre. Ça veut dire la source qui coulait, ce n'est que son œuvre. رواه الإمام البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari. وأمر الآن إلى المثال الخامس والأخير. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je passe vers le cinquième et dernier exemple. خباب ابن الأرت رضي الله عنه. خباب, fils de l'Arat, que Dieu soit satisfait de lui. كان مولى لامرأة تسمى أم أنمار. Il était un affranchi, c'est-à-dire un esclave libéré par une femme s'appelant Umm Anmar. وكان حدادا, il fut un forgeron. فلما أسلم, lorsqu'il est devenu musulman à l'aube de l'islam, عذبه المشركون, les associateurs l'ont bien torturé. فيلون عنقه, il tordait son cou. ويجذبون شعره, il tirait avec force ses cheveux. ويلقونه في النار, ويلقونه في النار, il le jetait dans les flammes du feu. ثم يسحبونه عليها, et il le tirait, il l'entraînait sur le feu qui était au sol. ثم تطفأ بظهره, jusqu'au point que le feu soit éteint par son dos. كل هذا ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. Tout ceci pour qu'il quitte et abandonne la religion de Muhammad, prière et sagesse. فَلَا يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا إِمَانًا. Et tout ceci ne faisait qu'augmenter sa foi et sa détermination. وَعَدَّبَتْهُ مَوْلَاتُهُ بِالنَّارِ. Sa maîtresse, sa ex-maîtresse, l'a torturée par le feu. كَانَتْ تَأْتِي بِالْحَدِيدَ الْمُحْمَاتِ. Elle ramenait une barre de fer surchauffé, فتجعلها على ظهره أو على رأسه, et elle l'a posé sur son dos ou sur sa tête. وأمام العذاب المتزايد للصحابة, devant cette souffrance croissante qui touchait les compagnons du prophète, que Dieu soit satisfait d'eux, ذهب خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خباب, que Dieu soit satisfait de lui, est parti à la rencontre du prophète, prière et salut sur lui. وهو متكئ بجانب الكعبة, le prophète qui était allongé à côté de la Kaaba, prière et salut sur lui. فقال خباب, خباب dit, يا رسول الله, ô messager de Dieu, ألا تستنصر لنا, est-ce que tu ne demandes pas pour nous la victoire de Dieu, à notre Seigneur, ألا تدعو الله لنا, ne veux-tu pas invoquer, prier Dieu en notre faveur. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui, qui était allongé à côté de la Kaaba, s'assit. وهو محمر وجهه, et ça, son visage est devenu entièrement rouge. قال, il dit, كان الرجل في من قبلكم, dans les nations qui vous ont précédé, on a porté l'homme, ويحفر له في الأرض, on creusait pour lui dans le sol, فيجعل فيه, et on l'y mettait dans le sol, فيجاء بالمنشار, فيوضع على رأسه, et on posait la scie sur sa tête, فيشق اثنين, et on le coupait en deux, وما يصده ذلك عن دينه, et tout ceci ne le détournait pas de sa religion. ويمشط بأمشاط الحديد, et on le peignait avec des peignes d'acier, ما دون لحمه من عظم أو عصب, on le peignait entre le muscle et l'os, ou entre le muscle et les nerfs, وما يصده ذلك عن دينه, et ceci ne le détournait pas de sa religion. والله ليتمن الله هذا الأمر, par Dieu, Dieu certainement va achever cette mission. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت وهم مدينتان باليمن, jusqu'au point que le cavalier voyage de صنعاء jusqu'à حضرموت, deux villes de Yémen. لا يخاف إلا الله, sans que ce voyageur ne craigne que Dieu. ولكنكم تستعجلون, mais vous vous impatientez, رواه الإمام البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari. هذا الحديث يحمل نبوءة, ce hadith porte une prophétie. منذ الفترة المكية والمسلمون تحت العذاب, depuis l'époque mécoise, lorsque les musulmans étaient sous la persécution, فبشرهم بأن الإسلام سيصل حتى إلى اليمن, et le prophète leur a donné la bonne nouvelle comme quoi l'islam va arriver jusqu'à la terre de Yémen. وتحقق ذلك فيما بعد, et ceci s'est réalisé par la suite. هذا الحديث يطلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المزيد من الصبر من أصحابه رضوان الله عليهم. Dans ce hadith, le prophète, prière et salut, demandait à ses compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, plus de patience, plus d'endurance. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre solution à part la patience face à l'épreuve. Il leur a donné des exemples, des exemples des croyants qui nous ont précédés et qui furent persécutés. ويبين هذا الحديث ثقة النبي بالله اللامتناهية, et ce hadith montre la confiance illimitée, infinie du prophète, prière et salut sur lui, en Dieu. يقسم بأن الله سيتم هذا الأمر, il a juré que Dieu va achever cette mission. يقول له ولكنكم تستعجلون, et à la fin il conclut, mais vous vous impatientez. ولم يقل لخباب وحده ولكنك تستعجل, il n'a pas dit uniquement à Khabbab, mais tu t'impatientes. وهذا يبين حالة جميع الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا تحت وطأة العذاب في ذلك الوقت, et ceci nous montre l'état de tous les compagnons qui souffraient de la torture à cette époque. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحمهم. Le prophète prière et sur lui avait pitié pour eux, ولكن لا يستطيع دفع الأذى عنهم, mais il ne pouvait pas repousser le mal d'eux. وفي نفس الوقت كان يحترم سنن الله في الكون. En même temps, il respectait les lois divines dans l'univers. ويعرف أن شدة البلاء تعني قرب الفرج, الفرج والنصر. Et il savait avec certitude que la dureté de l'épreuve signifie la proximité du secours et de la victoire de Dieu. كما قال تعالى, comme Dieu l'a dit par la suite dans un verset coranique, أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. وهذا يعني أن نصر الله يصبح قريبا عند قمة البلاء. Dieu dit dans ce verset, avez-vous donc estimé que vous alliez entrer au paradis sans qu'il vous arrive jusqu'à ce jour la même chose que ceux qui sont passés avant vous? Ils furent en fait touchés par les calamités et la misère, et ils furent tellement ébranlés que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dirent, quand donc viendra le soutien de Dieu pour notre victoire? Le soutien de Dieu est certainement tout proche. Ceci signifie que le soutien ou la victoire de Dieu devient très proche lorsque l'épreuve passe par son maximum. وفي الأخير نلاحظ, et à la fin on remarque, أن رغم الإيذاء الكبير من طرف المشركين, on remarque que malgré la grande persécution de la part des associateurs, هناك من مات, il y a des gens musulmans qui sont tombés morts. هناك من فقد البصر, il y a des gens qui ont perdu la vue, إلى آخره, etc. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل أصحابه بالانتقام عن طريق العمليات الإرهابية. Malgré tout ceci, le prophète prière et sa jolie, en contrepartie, il n'a jamais ordonné à ses compagnons de se venger avec des actions terroristes. وكان ذلك ممكنا, ceci était carrément possible, بقتل بعض الأشراف الكفار في أزقة مكة بالليل, ceci était possible de tuer quelques notables mécréants dans la nuit, en pleine nuit, dans quelques rues de la Mecque, أو قتلهم بالنهار, ou les tuer en plein jour, بسهام مرمية من فوق بعض السطوح, en tirant quelques flèches du dessus de quelques toits, والاختفاء بسرعة, et de disparaître rapidement dans la nature. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. Le prophète prière et sagesse, il n'a pas fait cela. وطلب من أصحابه الصبر فقط في انتظار فرج الله. Et il a demandé dans cette grande difficulté, il a demandé à ses amis uniquement la patience dans l'attente du secours venant de la part de Dieu. وألاحظ كذلك, je fais une autre remarque, كما فشل الكفار في كل مساعيهم في الازدراء والتهكم والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. Comme les mécréants ont échoué dans toutes leurs manœuvres précédentes, la moquerie du prophète صلى الله عليه وسلم, ou في مثلا التعرض للقرآن الكريم, ou bien lors de la polémique et de soulever quelques questions ou doutes sur le Coran, ou مثلا في المناقشة والمفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم, comme ils ont échoué aussi dans la négociation avec le prophète صلى الله عليه وسلم, اليوم كذلك فشلوا. Aujourd'hui aussi, ils ont échoué. لماذا؟ لأننا لم نسمع ولا واحدا ارتد عن الإسلام ورجع عن الكفر. Parce que l'histoire n'a pas raconté même qu'un seul musulman, un seul musulman qui a renoncé à sa foi pour revenir vers la religion des associateurs. وإلى حصة قادمة إن شاء الله, et vers une autre séance si Dieu le veut. اللهم إني داع فأمنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم كما أدخلتنا إلى بيتك فأدخلنا إلى بيتك الجنة غدا يوم القيامة. اللهم كما جمعتنا حول سيرة نبيك في هذا اليوم، اللهم اجمعنا حول حوضه صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة، واسقنا جميعا من يده الشريفة شربة لا نعرف الظمأ بعدها. اللهم كما جعلتنا نستمع إلى سيرته فاجعلنا نتبع سنته ما بقينا بالحياة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحدا واحدة واحدة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعني أيها الإخوة والأخوات، أخبركم أن يوم السبت القادم ستكون أمسية بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، ستكون أمسية في هذا المسجد يوم السبت القادم. Donc je vous informe qu'à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète prière et sagerie qui aura lieu pendant cette semaine, la mosquée organise une soirée à cette occasion et ça va être samedi prochain. ممكن أن تنظروا يعني البرنامج وبوفيفوار البروغرام دون سي ديتاي، وأخبركم كذلك بأن الأحد القادم لن يكون هذا الدرس. Et je vous informe que dimanche prochain il n'y aura pas ce cours. ونعود في الأحد من بعده إن شاء الله إلى هذا الدرس. Mais dans le dimanche qui va suivre, on reviendra إن شاء الله, si Dieu le veut, vers notre cours. Donc dimanche prochain il n'y a pas ce cours. وبارك الله فيكم أجمعين.